La comtesse Anastasie de Restaud, grande et bien faite, passait pour avoir l'une des plus jolies tailles de Paris. Figurez-vous de grands yeux noirs, une main magnifique, un pied bien découpé, du feu dans les mouvements, une femme que le marquis de Ronquerolles nommait un cheval de pur sang. Cette finesse de nerfs ne lui ôtait aucun avantage. Elle avait des formes pleines et rondes, sans qu'elle pût être accusée de trop d'embonpoint. Cheval de pur sang, femme de race, ses locutions commençaient à remplacer les anges du ciel, les figures océaniques, toute l'ancienne mythologie amoureuse repoussée par le dandysme. Mais, pour Rastignac, Madame Anastasie de Restaud fut la femme désirable. Il s'était ménagé deux tours dans la liste des cavaliers écrite sur l'éventail et avait pu lui parler pendant la première contredanse. « Où vous rencontrez désormais, madame ?» l'avait-il dit brusquement, avec cette force de passion qui plaît tant aux femmes. « Mais, dit-elle, au bois, au bouffon, chez moi, partout. » Et l'aventure méridionale s'était empressée de se lier avec cette délicieuse comtesse, autant qu'un jeune homme peut se lier avec une femme pendant une contredanse et une valse. En se disant cousin de madame de Beauséant, il fut invité par cette femme, qu'il prit pour une grande dame, et eut ses entrées chez elle. Au dernier sourire qu'elle lui jeta, Rastignac crut sa visite nécessaire.